Chapitre 4. La provocation. Vers 10 heures, dans les salons du palais des Médicapeaux, il y avait beaucoup de monde, comme toujours. Ce soir-là, plus que jamais. Pourquoi ? Les Italiens bien élevés sont discrets. Les deux témoins d'Armand n'avaient point parlé de ses intentions de duel, mais il avait bien fallu demander à la marquise si elle accueillerait avec plaisir celui qui était à cette heure l'idole des Lazzaroni et le lion de Naples. La marquise avait été fort joyeuse de recevoir Armand, si joyeuse qu'elle avait prévenu ses fidèles. Donc le bruit s'était répandu que le jeune Français dont tout le monde parlait, que tout Naples avait vu à la promenade et dont tout Naples raffolait, que ce héros de l'aventure des Lazzaroni serait chez la marquise. Tous ceux qui avaient leurs entrées au palais des Médicapeaux s'étaient empressés de s'y rendre. L'aventure des quais, des hommes jetés en l'air, de la bravoure et de la force, cela ne suffisait pas à justifier l'enthousiasme des Napolitains. Mais nous l'avons dit, Armand avait un charme particulier, une physionomie heureuse et typique, une nonchalance gracieuse, un je ne sais quoi d'indéfinissable qui le faisait aimer dès qu'il paraissait. Il produisait sur ses natures méridionales restées païennes l'effet d'un demi-dieu. Le chevalier Nello savait comme tout le monde qu'Armand devait venir. Il s'était posé cette question, vient-il pour moi ? Il n'avait certes pas peur d'une rencontre à l'épée. Il se considérait comme sûr de vaincre. Mais il éprouvait cependant une vague inquiétude. Maître de lui, il la dissimulait à force de volonté. Son entrée fit quelques bruits. La foule est subtile, elle s'imprègne de tous les souffles, s'agite sous toutes les secousses. Elle recueille les plus faibles rumeurs. Naples s'attendait à quelque chose. Que le jeune étranger eût voulu se faire présenter à la marquise, qui était la reine de l'aristocratie napolitaine, rien de plus naturel, mais il s'était beaucoup hâté. On savait l'histoire du bouquet. On observa Nello dès qu'il mit le pied dans les salons. Après avoir salué la marquise, il s'en fut à un groupe formé de ses amis. « Il paraît que nous aurons l'occasion d'admirer ce soir cet Hercule Farnèse qui jongle avec les Lazzaroni. On affirme qu'il doit venir. »« Oui, dit-on, ne l'a-t-on pas déjà vu ?»« Non, fit Nello. Ce n'est pas le type de l'Hercule. C'est plutôt une statue d'Apollon un peu plus grande que nature. Il est admirablement fait et de gracieuses figures. »« Oh, fit Nello, d'un air contrarié, qu'il dissimula mal. » Et il demanda. « Sait-on qui le présente ?»« Belgioso, » répondit-on. « Je crois, » dit Nello, en souriant, « que ce jeune homme aura mal pris l'affaire du bouquet. Du moment qu'il est en relation avec tes ennemis, cela paraît très probable. » Nello secoua la tête et dit en riant, « L'occasion est charmante. Je ménagerai le frère. La sœur saura qu'à cause d'elle, je l'épargnais, et il m'en aura beaucoup de reconnaissance. « Pensez-vous » demanda-t-on. « Que ce jeune homme ose vous provoquer ici ?»« Peut-être, d'une façon indirecte. »« Ce serait inconvenant. » On annonça le chevalier Belgioso et Armand. Armand, simple, élégant, irréprochable, du claque-talon de la bottine, parfait enfin, séduisant, vint s'incliner devant la marquise qui le fit asseoir près d'elle. Il se montra si galant homme, selon l'expression italienne, qu'il souleva des chuchotements admiratifs. On envia fort la marquise, qui pouvait causer avec ce beau garçon jugé spirituel à la mine. Questionné sur Paris, que la marquise connaissait bien et qu'elle regrettait toujours, Armand fut intarissable de verve. Il conta des anecdotes piquantes avec tant de tact que le petit abbé, au sonnet lui-même, proclama qu'Armand avait infiniment d'esprit. Enfin, la marquise dut laisser à son invité la liberté de sa personne. Le petit abbé Del Mondi s'empara de lui et il se fit un malin plaisir de le conduire vers le groupe au milieu duquel se trouvait Nello. « Venez, cher monsieur, avait dit l'abbé, je veux vous présenter à la jeunesse dorée de Naples. » Il produisit Armand au milieu du groupe des amis de Nello avec cette emphase méridionale qui nous paraît un peu choquante, mais qui est le ton ordinaire des Napolitains. Armand se mit au diapason de ces jeunes gens et l'on put tout croire d'abord qu'il n'avait aucune intention hostile contre Nello. Mais voilà qu'après une demi-heure de conversation brillante et fort animée, Armand entendit quelqu'un interpeller le chevalier sous son nom. Il se donna l'air d'un homme qui jusqu'alors a parlé à quelqu'un sans le connaître et qui, s'apercevant tout à coup à qui il a affaire, affecte pour cette personne le plus profond mépris et montre par son attitude le regret de s'être commis avec elle. « Comment ? C'est là le chevalier Nello ?» dit Armand à l'abbé d'Almondi. « Lui-même, dit l'abbé. Que ne l'ai-je su plus tôt ?» dit Armand. Et comme Nello lui adressait presque aussitôt une question, non seulement il n'y répondit pas, mais il affecta de tourner la tête. « Pardon, monsieur, dit Nello pâlissant. J'ai eu l'honneur de vous demander votre avis sur la musique de Verdi. Ne vous plairait-il pas de me le dire ? » Armand répondit tranquillement « Non, monsieur. Vous avez sans doute des raisons ? D'excellentes. Que vous pouvez expliquer sans doute ? Oh, d'un mot. Et ce mot ? Je préférais vous le dire ailleurs qu'ici. En dehors de ces messieurs, personne ne nous entend. En conséquence, vous pouvez parler. Soit, puisque vous m'y forcez. » Et regardant Nello en face, « Le mot, monsieur, est celui d'assassin. Je vous l'applique en toute justice, car tout homme qui abuse de sa force à l'épée pour imposer à une société ses insolences et ses vices, tout homme comme vous, monsieur, est un misérable. »« Assez !» dit Nello d'une voix étranglée. « Vous avez voulu me faire parler ? Je continue, et vous rappelle que nous devons à la marquise d'éviter le scandale. Écoutez donc, puisque vous m'avez obligé à vous dire ce que je pense. » Mais quittez ces airs de panthère furieuse. » Nello fit un effort violent pour se contenir, et Armand reprit. Je vous ai trouvé, monsieur, ridicule et impertinent. Et je effore les fâcheux, les spadassins, les roués, qui se font un jeu et un plaisir de troubler le repos des jeunes filles et des femmes par leur fatuité, et qui placent de braves jeunes gens entre une mort certaine, déplorable, des plus tristes, et un affront à dévorer. Ceci dit, monsieur, vous trouverez bon, sans doute, que je mette à la disposition de vos témoins les chevaliers Fremonte et Belgioso. Vous recevrez demain matin la leçon que vous méritez. Je vous jure, moi, de vous en donner une qui vous dispensera d'en recevoir d'autres, dit Nello. Parole de fanfaron, fit dédaigneusement Armand en tournant les talons. Et il s'éloigna du groupe des amis de Nello, suivi de ses témoins et de l'abbé de plus en plus angoué de son nouvel ami. Bien entendu, toute cette scène de provocation avait eu lieu sans éclat. Nello avait sur le champ désigné deux de ses amis qui s'abouchèrent immédiatement avec les témoins d'Armand. Les conditions furent réglées rapidement. Les chevaliers Belgioso et Fremonte, accompagnés du petit abbé Del Mondi, vinrent rendre compte à Armand de la mission dont ils étaient chargés. Vous vous battez demain à l'épée, dans un petit champ fort propice au duel, bien connu des jeunes gens de Naples, est situé à 2 kilomètres, en italien 1 mile, de la ville. On est là très bien, fit l'abbé, et si vous êtes vainqueur, comme je l'espère, vous serez le roi de Naples. À quelle heure, messieurs, faut-il partir pour arriver sur le terrain? Rendez-vous à 7 heures, dit Belgioso. Il y a déjà du soleil à ce moment, mais à cause du fulminante, il ne faut pas sortir de Naples avant quelques heures de grand jour. Il faut donner aux carabiniers, les gendarmes italiens, le temps de faire patrouille. Qu'est-ce que le fulminante ? Comment ? Vous êtes à Naples depuis 24 heures et vous ne savez pas ce que c'est que le fulminante, cher monsieur Armand ? Ma foi, non. C'est un bandit qui est en train de devenir si fameux qu'il se place déjà à côté, sinon au-dessus de Fra Diavolo lui-même. Oh ! Fit Armand. Il a livré bataille à 50 bersagliers, 25 carabiniers et 107 miliciens. Il les a battus, leur a tué ou blessé 38 hommes, et le soir même de l'affaire, il venait prendre dans un bourg de 3 000 âmes le syndic et le curé qu'il avait dénoncé. En même temps, il se faisait payer une forte rançon par les notables pour ne pas incendier les maisons et égorger les habitants. « Ce n'est pas mal, cela, » dit Armand, mais sans paraître très enthousiaste. « Je n'en finirai pas s'il fallait vous citer les traits de bravoure de Fulminante. Parlons un peu de son caractère. « Voyons l'homme sous le bandit, » dit Armand. « Votre fulminante me paraît assez remarquable. » Un jour, dit l'abbé, il sut que la princesse Marguerite, cette charmante fille de Victor Emmanuel, avait désiré le voir. Elle était ici, à Naples. « Savez-vous ce que dit Fulminante ? » Un matin que la princesse devait aller, sous bonne escorte, se promener en calèche hors la ville, notre bandit prit ses mesures et la princesse fit rencontre d'une forte escouade de carabiniers, menant prisonnier Fulminante. Elle fit arrêter son escorte pour regarder le captif, mais tout à coup les chevaux légers qui entouraient la princesse furent jetés à bas de leurs chevaux par les carabiniers, qui n'étaient autres que les hommes de Fulminante déguisés pour la circonstance. Vous savez ce que c'est qu'un cavalier à terre. Si braves que fussent les chevaux légers, surpris, ils furent liés et réduits à l'impuissance. Fulminante salua gracieusement la princesse, lui offrit un bouquet de jolies fleurs de montagne, lui débita un sonnet et se montra du dernier galant. Puis il termina par un trait charmant. Il fit ses excuses à l'officier qui commandait les chevaux légers sur la nécessité où il s'était trouvé de lui jouer ce mauvais tour. Il lui était impossible de ne pas obéir au désir de la plus gracieuse personne de l'Italie. « Voilà qui est parfait, » dit Armand. « Un de ces jours, j'irai voir Fulminante. »« Messieurs, » dit Armand, « je prends congé de vous. À demain. Et croyez que je tiendrai ma promesse quant au chevalier Nello. S'il n'en meurt pas, il n'en vaudra guère mieux. » Il invita ses témoins à venir souper à l'hôtel, ce qu'ils acceptèrent. Il se retira, laissant de lui la meilleure opinion du monde d'élite qui peuplait les salons de la marquise de Medecapo.